Excellence de Marie et son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, volume 2, deuxième instruction, pour la fête de la Nativité de Marie le 8 septembre. Les infortunés habitants des zones glaciales ne ressentent pas autant de joie, autant d'allégresse en voyant se dissiper les ténèbres de leur longue nuit, par le lever d'une belle aurore qui présage le soleil, que n'en éprouva la terre quand brilla pour la première fois sur notre horizon l'éclatante aurore d'un jour nouveau, la divine Marie. La terre alors déposa ses vêtements de deuil, dans l'espoir que l'aurore ayant apparu, le soleil de justice ne tarderait point à apporter au monde le jour de la lumière et de la grâce, pour remplacer la nuit ténébreuse du péché. C'est donc avec raison que l'Église chante en ce jour, votre naissance, ô très pure Vierge, et Mère de Dieu, a été une annonce de joie pour toute la terre. Oui, que la terre se réjouisse et tressaille d'allégresse, sa malédiction a disparu, elle est maintenant une terre de bénédiction et de grâce, qu'elle se livre à la joie, elle le peut avec raison. Confère Saint Augustin Sermon 18 de Sanctis. Nous pouvons dire présentement que la terre commence à porter son fruit, non plus un fruit de mort, mais un fruit de salut et de vie. Il est bien juste, mon cher frère, que nous aussi nous prenions part à la commune allégresse de ce bas monde, ou plutôt de l'univers entier, que nous aussi, étonnés et stupéfaits, nous nous mettions à contempler ce chef-d'œuvre de la main de Dieu, qui, aujourd'hui pour la première fois, paraît au jour, que nous aussi, ravis de joie à son premier aspect, nous nous écrions, et nous nous demandions quelle pourrait être celle qui se lève pleine de majesté comme l'aurore, belle comme la lune, choisie comme le soleil, Cantique 6, 9. Quel digne objet s'offre à notre admiration, mon frère, quelle utile occupation pour nous en ce jour de réjouissance, que de choses je pourrais vous dire sur le sujet qui nous est proposé. Cependant, comme je ne cherche pas tant votre délectation spirituelle, que l'utilité et le profit de votre âme, laissant à part toute autre considération, je me bornerai à contempler dans Marie, notre aurore bienfaisante. Je vous montrerai donc premièrement que les propriétés de l'aurore s'appliquent à bien juste titre à la Sainte Vierge. En second lieu, je dirai ce que nous devons être pour paraître les dignes enfants de cette auguste souveraine. Quelle est celle qui se lève, semblable à l'aurore? D'où viennent ces transports d'admiration? Je crois pouvoir dire sans me tromper que telles furent les paroles que firent retentir les armées célestes à l'apparition de Marie. Les premières qualités qu'ils remarquaient en elle furent les qualités propres à l'aurore. C'est avec raison, car elles conviennent toutes merveilleusement à Marie, je remarque dans l'aurore trois propriétés principales, pour ne rien dire des autres. La première, c'est que l'aurore est la messagère et l'avant-courrière du soleil, dont elle dépend, et avec lequel elle tend à s'unir de la manière la plus étroite, je dirais presque à s'identifier. La seconde, c'est que par sa lumière si douce, si resplendissante, elle surpasse dès son lever la clarté de tous les astres de la nuit, et ne le cède en beauté et en éclat qu'au soleil, dont elle est le présage. La troisième enfin consiste en ce que la beauté de l'aurore ne s'arrête jamais à son premier degré, mais qu'elle va sans cesse croissant, jusqu'à ce qu'elle parvienne à se confondre avec la lumière du soleil. Vous saisissez déjà combien ces trois propriétés conviennent parfaitement à la Sainte Vierge. Il n'est pour ainsi dire pas besoin de vous les faire remarquer, nous les méditerons néanmoins avec fruit. Premièrement, Marie fut la messagère du divin soleil, C'est elle qui devait apporter sur la terre cette lumière qui éclaire tout homme, et cette chaleur qui seule peut donner à l'âme la vie surnaturelle de la grâce. Non seulement ce fut elle qui, en naissant, nous annonça sa prochaine venue, non seulement elle fut l'avant-courrière qui le précéda, mais de plus ce fut elle qui nous l'apporta, puisque c'est dans son très chaste sein que fut conçu Jésus-Christ, notre soleil de justice, c'est dans ses entrailles très pures que furent pris les premiers éléments qui servirent à sa formation. Si Jésus-Christ fut la brillante fleur de Nazareth, Marie fut la tige qui la fit éclore, si Jésus fut le fruit, Marie fut la plante qui le produisit, si Jésus-Christ fut le soleil, Marie fut l'aurore qui le précéda. On ne peut donc nier que sous ce rapport Marie n'est égalée, ou plutôt surpassée la figure. Il est beaucoup moins permis de douter qu'elle ne l'ait égalée dans la seconde de ses propriétés, qui est de surpasser en éclat tous les astres de la nuit, pour ne le céder qu'au soleil. Non, on ne peut en douter, dit fort bien l'angélique docteur, saint Thomas, in épître aux Romains Lectio 5. Après Jésus-Christ, il n'est personne dans le ciel et sur la terre qui ait eu une aussi grande plénitude de grâce que Marie, laquelle fut choisie pour être mère du Christ. Elle ne le cède donc qu'au divin auteur de la grâce, le soleil de justice seul, et nul autre que lui ne la surpasse en splendeur, confère saint André de Crète, Dieu seul excepté, il n'y eut rien de plus élevé, plus sublime, de plus ravissant, de plus resplendissant que Marie. Sa clarté fut telle, que, parmi les pures créatures, c'est celle qui plus qu'aucune autre peut nous faire admirer la beauté divine, confère Saint-Pierre Chrysologue Pierre de Ravenne. Et ne croyez pas qu'elle ne soit parvenue à cette élévation que dans les dernières périodes de son ascension, non, mon cher frère, dès sa première apparition, précisément comme l'aurore, elle surpassa en perfection toutes les créatures. Et l'on peut fort bien dire d'elle ce qu'en disent avec raison de très graves auteurs, savoir que ses fondements furent placés au-dessus du sommet des plus hautes montagnes. Mais si tels furent ses fondements, imaginez à quelle hauteur atteignit le fait de cet édifice qui n'a fait que s'élancer vers le ciel. Or, voilà ce que je désire que vous compreniez parfaitement, mon frère, afin que je puisse non seulement vous faire connaître combien la troisième qualité de l'aurore convient à Marie, mais encore stimuler votre cœur à la suivre d'aussi près qu'il vous sera permis dans son vol sublime. N'allez donc pas croire que Marie se soit contentée de demeurer au degré d'élévation où Dieu la plaça dès le commencement, et qu'elle ait laissé reposer la grâce qui lui fut alors conférée en si grande abondance. Non, certes, elle ne cessa de croître et de s'avancer toujours sans interruption. Rien dans la Sainte Vierge ne put arrêter la tendance inhérente à la grâce divine, qui, semblable au feu, aspire constamment vers sa sphère qui est Dieu, dans la bienheureuse Vierge, dit saint Bernardin, il n'y eut aucun obstacle à l'action de la divine grâce, de sorte qu'elle fut comme une roue mobile, docile en tout au souffle de l'Esprit Saint. Elle s'accrut donc toujours, toujours elle avança, parce que toujours elle correspondit pleinement à l'impulsion du divin Esprit répandu en elle, et qui l'excitait à s'élever. Elle ne demeura jamais deux instants de suite au même degré de grâce, durant sa vie mortelle mais toujours et sans la moindre interruption et la croissant comble aurore. Mais quel fut son progrès, en d'autres termes, dans quelle proportion eut-il lieu? Il ne manque pas de savants auteurs qui soutiennent, et démontrent par de solides raisons, que ce progrès fût doublé à chaque instant de sorte que si elle n'eût, par exemple, à son premier instant qu'un seul degré de grâce, au second instant elle en eût deux, au troisième quatre, au quatrième huit, et ainsi de suite, voyez Seigneurie, dit Voto di Maria. Cela posé, qui jamais pourrait concevoir à quel point elle est parvenue durant l'espace de plus de 60 ans, qu'elle passa sur la terre, qui pourrait suivre des yeux ce vol prodigieux, je le demande avec le fils de Sirac, ou l'auteur de l'Ecclésiastique, 1, 7, à qui a été révélée la racine de la sagesse, et qui a connu ses desseins profonds, qui jamais put sonder la profondeur des racines que la grâce divine fit croître en Marie, qui jamais a su découvrir les progrès qu'elle fit dans la grâce elle-même. Écoutez-le, mon frère, un seul en est capable, et encore quel est-il? Confère Ecclésiastique, 1, 6 et 9. Note. Le sens littéral de ce passage semble se rapporter à la sagesse sacrée, ou au Verbe divin, cependant on ne peut nier qu'ils s'entendent très bien, et fort à propos de Marie, la digne mère de la sagesse incréée. Je lui applique donc ces paroles sans scrupule, après que l'Église m'en a donné l'exemple, par l'usage qu'elle fait de tant d'autres endroits semblables de l'Ecclésiastique. Fin de la note. C'est le Très-Haut, le Créateur, qui, l'ayant formé par la puissance de son bras, peut aussi par son regard mesurer le degré de sainteté qu'elle atteignit. Hormis Dieu, que nul n'ose le tenter, nous ne pouvons donc, mon frère, suivre des yeux le vol de cet aigle divin, efforçons-nous de marcher sur ses traces par l'imitation de ses vertus. Tâchons aussi d'avancer le plus qu'il nous est possible dans le chemin de la perfection. Mais n'est-ce pas une folie de ma part? Quoi, j'avoue qu'il est impossible de suivre Marie, même des yeux, et j'aurais la présomption de vouloir la suivre pas à pas. Oui, je serais insensé, si je prétendais la suivre d'un pas égal, mais je suis loin de le dire, je demande seulement que nous nous efforcions de suivre ses traces, autant que possible. Ce sera le second point de notre entretien. L'avis du juste sur la terre, quelle est-elle? Proverbe 4, 18. Elle est semblable à une lumière, non à la lumière d'un astre nocturne, mais à celle de l'aurore, qui sans jamais s'arrêter croît toujours en beauté et s'avance jusqu'à ce qu'elle ait atteint le jour parfait. Avons-nous à cœur, mon cher frère, d'être trouvé juste aux yeux de Dieu? En d'autres termes, avons-nous à cœur d'être reconnus de Dieu pour ses amis? Si tel est notre désir, nous devons nous efforcer constamment d'avancer dans la voie de la perfection. Ô mon Dieu, parler de perfection à des personnes du monde, c'est aux yeux de quelques-uns une chose si ridicule, si extravagante. Plusieurs s'imaginent follement que l'obligation de tendre à la perfection se borne à ceux qui vivent dans un cloître, ou s'étend tout au plus aux ecclésiastiques. C'est là une erreur funeste, dit très bien Saint Jean Chrysostome, une erreur qui est cause de la perte éternelle d'une infinité d'âmes. Ôtons-nous donc bien cette erreur de l'esprit, mon cher frère. Jésus-Christ ne s'adressa pas aux religieux ou aux prêtres seulement, quand il dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » Matthieu 5, 48. C'est donc un devoir pour nous tous de tendre à acquérir la perfection qui convient à notre état. L'Église est une vigne, un champ, où la main de Dieu a planté des arbres de différentes espèces et des fleurs très variées, non pour occuper le terrain, mais pour qu'ils portent du fruit chacun selon sa nature, Genèse 1, 11. Il ne demande pas à tous des fruits de même espèce, mais il exige de chacun des fruits proportionnés à sa nature. Les arbres stériles, il ne peut les souffrir, il l'a clairement exprimé. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Matthieu 3, 10. Remarquez qu'il ne condamne pas simplement les arbres qui porteront des fruits vénéneux, mais encore ceux qui refusent de porter de bons fruits, et remarquez encore que les feuilles des belles promesses ne suffisent pas, mais qu'il faut le fruit des bonnes œuvres. Le figuier qui était couvert de feuilles seulement fut maudit de Jésus-Christ lui-même. Si nous ne voulons pas que la malédiction divine retombe sur nous, efforçons-nous de produire des fruits de sainteté. Et mon Dieu, faut-il pour cela un commandement? Notre propre intérêt ne devrait-il pas nous stimuler suffisamment? Faut-il une loi pour porter un négociant à s'occuper de son commerce, et à chercher fortune, l'amour des richesses, l'insatiable désir d'accroître son trésor l'aiguillonne suffisamment, sans tant de préceptes? À qu'un peu de sainte avidité des véritables richesses, des trésors spirituels et célestes seraient à désirer en nous, mon frère, que Jésus voudrait la trouver dans nos cœurs. Il place ses trésors entre nos mains et nous dit travaillez, ne les laissez pas oisifs, profitez du temps que vous avez pour faire fructifier vos talents. Luc 19, 13. Je viendrai, quand vous y penserez le moins, en attendant, livrez-vous donc au commerce, faites fructifier les biens que vous avez reçus. Et nous insensés, nous voudrions les laisser reposer, est-ce ainsi qu'en agirait un marchand avide de s'enrichir? Verrait-il passer en 20 ans de belles occasions qui se présentent de faire un gain considérable? Assurément non. Il en profiterait, et avec quel empressement! Cependant, de quoi s'agit-il là? D'un peu d'argent, de richesses trompeuses et périssables. Ici, au contraire, de quoi s'agit-il? Il s'agit de richesses célestes. Il s'agit d'acquérir sans cesse de nouvelles couronnes, de nouveaux degrés de gloire, de monter à une dignité supérieure dans la cour céleste. Et pourtant nous ne nous en soucions pas. Ah, avec quelle profondeur de sagesse Jésus-Christ a dit que les enfants de ce siècle sont plus prudents que les enfants de la lumière. Si nous ne voulons pas être aussi inconsidérés, faisons tout pour gagner sans cesse davantage, ne croyons jamais avoir assez fait, imitons plutôt le grand apôtre, oublions ce que nous avons fait jusqu'ici, afin de ne porter nos regards que sur ce qu'il nous reste à faire. Il est d'autant plus essentiel d'en agir de la sorte, que si nous négligeons notre avancement et notre profit spirituel, nous courons évidemment risque de perdre même le peu que nous avons acquis jusqu'à présent. Souvenez-vous de ce qui est arrivé au paresseux qui laissa reposer le talent qui lui avait été confié. Non seulement il ne fut pas promu aux honneurs du trône, mais il fut au contraire dépouillé de son talent, et jeté dans les ténèbres extérieures. En punition, je crois, des ténèbres intérieures dont il s'était laissé aveugler, au point de ne pas reconnaître ce qui était de son intérêt. Persuadons-nous bien que dans les voies du Seigneur, il n'y a pas de milieu, où il faut avancer, où il faut reculer, ne pas avancer, c'est reculer. Savez-vous à quoi ressemble la vie présente? Le pape Saint Grégoire nous l'apprend, elle est semblable, dit-il, à un vaisseau qui vogue sur un fleuve contre le courant, de deux choses l'une où il avancera à force de rames et de bras, où il sera irrésistiblement entraîné vers le bas par la violence du courant. Il n'y a pas moyen de nous arrêter avant que nous ne soyons arrivés au port, et le port de notre navigation n'est autre que le ciel. Tant que nous ne serons pas parvenus là-haut, nous devons de toute nécessité ou marcher en avant, ou reculer, entraîné par notre propre poids. L'homme, durant sa vie, dit fort bien Job 14, 2, ne demeure jamais dans le même état, et cela n'est pas moins vrai dans l'ordre moral que dans l'ordre physique. Il change constamment, c'est à nous maintenant de décider si ce changement doit se faire en mieux ou en pis. Que choisissons-nous, mon frère? Voudrions-nous changer en mal? Voudrions-nous non seulement négliger notre avancement spirituel, mais perdre encore le peu que nous avons acquis jusqu'ici? Je ne veux pas croire une chose semblable de vous, qui faites profession d'être enfant et serviteur de celle qui s'éleva aujourd'hui comme s'élève l'aurore, belle à l'instant de sa naissance, mais plus belle et plus ravissante par son accroissement continuel et non interrompu dans la perfection et la sainteté. Si nous sommes ses enfants dévoués, tâchons de l'imiter autant que le comporte notre faiblesse. Faisons-le, nous n'en avons que trop de motifs, et n'en eussions-nous d'autres? Un seul devrait suffire, c'est que Marie nous y invite. Ô brillante aurore du ciel, je vous contemple, je vous admire, je suis incapable de suivre votre vol rapide vers les plus sublimes régions des cieux, je ne puis le suivre, je le sais, je ne puis pas même fixer mes regards sur la clarté et la splendeur surnaturelle dont vous apparaissez tout ornée. À ma mère, que pourrais-je faire? Vous le savez, vous connaissez ma fragilité et mon impuissance. Vous savez également que je suis obligé de m'élever vers le ciel, et d'aspirer à la perfection évangélique. Daignez donc me tendre une main secourable, aidez-moi à faire quelques pas, soutenez-moi, afin que jamais je n'aie le malheur d'être entraîné dans l'abîme du péché, par ma propre pesanteur, et ma tendance vers le mal. Aidez de votre secours, je me garderai de reculer jamais dans la voie où je suis entré, je m'y maintiendrai, j'espère, jusqu'à ce que je parvienne à jouir avec vous de la vue de mon Dieu dans la céleste Sion. Markham Dan Archivorg, d'après Books Google FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.